J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le rappel, mercredi 12 janvier 1870. L'assassinat d'Auteuil. Un meurtre odieux vient d'être commis à Auteuil. Son Altesse impériale le prince Pierre Bonaparte, cousin germain de Sa Majesté l'Empereur, a assassiné notre ami et ancien collaborateur Victor Noir. Victor Noir s'était rendu chez son Altesse accompagné de Monsieur de Fonvielle. Le prince ayant insulté Monsieur Pascal Grousset, Monsieur Grousset avait prié ces deux messieurs de lui servir de témoin. Voici comment Monsieur de Fonvielle nous raconte le crime. En arrivant à la maison du prince, Victor Noir remit sa carte au valet de pied. Au bout de 5 minutes, le prince entra. Il était pâle et paraissait en colère. Victor Noir parla pour la première fois, hélas, et pour la dernière aussi. « Monsieur, dit-il, nous venons de la part de Monsieur Grousset, nous sommes solidaires de nos amis. » À ce moment, le prince bondit sur lui, il lui applique la main gauche sur l'épaule, le force à se tourner, et tirant rapidement un revolver de sa poche, il le lui décharge en pleine poitrine. Victor Noir, en essayant de se défendre contre son assassin, l'égratigne à peine à la joue. Le prince fait feu une seconde fois. Victor Noir, blessé à mort, aperçoit alors une porte ouverte, il se précipite dans l'escalier. Monsieur de Fonvielle veut courir à son secours, le prince se tourne vers lui et lui tire un troisième coup de pistolet. Le docteur Pinel, qui passait justement au moment de la mort de notre pauvre ami, se rendit aussitôt chez Monsieur Pierre Bonaparte. Il lui apprit qu'une des personnes sur lesquelles il avait tiré venait de rendre le dernier soupir. « Lequel des deux ?» demanda le prince. « Est-ce le plus petit ?»« Non, » répondit Monsieur Pinel, « c'est l'autre. » Le prince fit un mouvement. « Quand l'empereur va savoir ça, s'écria-t-il, il va me retirer ma pension. » Nous arrivons de la maison que Victor Noir habitait à Neuilly. Beaucoup de nos confrères y sont allés comme nous. La rue du marché, ordinairement déserte à cette heure, était pleine de voitures qui toutes s'arrêtaient devant la même porte. Les sergents de ville, qu'on apercevait de loin en loin, cachés aux angles des rues, semblaient cependant plus nombreux encore que les voitures. La porte de la maison était ouverte. Deux dames étaient assises au coin de la cheminée. La plus jeune, à demi renversée sur son fauteuil, pleurait. C'était la fiancée de Victor Noir. Il la devait épouser dans 2 ou 3 jours. Monsieur Louis Noir, le frère de la victime, se tenait dans une pièce à côté. Je n'ai rien vu jamais de plus épouvantable que sa douleur. Il nous conduisit à l'appartement de Victor Noir. C'était un petit appartement que ce pauvre et cher garçon venait de meubler. Appartement simple et assez bizarrement orné. Un trophée d'armes pendu au mur, une grande table, une photographie représentant la mort de Baudin et une autre photographie représentant le foyer de l'Odéon. Il était couché sur son lit, à demi déshabillé, ses traits étaient calmes. Sa peau seulement, rose d'ordinaire, avait la blancheur d'un marbre. Ses yeux n'étaient qu'à demi fermés, sa chemise était entr'ouverte et toute pleine de sang. On voyait sur sa poitrine, juste à la région du cœur, un gros trou noir. On ne lui avait point retiré son pantalon, tout blanc de poussière. En sortant de chez le prince, sur le trottoir, Victor Noir était tombé à genoux. Quelques amis étaient là, groupés autour de Monsieur Gilles, qui faisait le portrait du mort. Tout le monde pleurait. Pourquoi cette bête fauve l'a-t-elle tué? Pourquoi? Qu'avait-il fait? Il venait au nom d'un ami demander réparation pour une injure, et on l'assassine. En quel temps vivons-nous? On se croirait au XIVe ou au XVe siècle. On se demande si l'on a affaire à un Bonaparte ou à un Borgia. Ce misérable avait médité son crime, il s'était armé. Il n'a point cédé à un mouvement de colère, il s'était dit à l'avance « je tuerai » et il a tué. Victor Noir écrivait dans les journaux républicains, il était républicain. Monsieur Pierre Bonaparte a pensé qu'on pouvait tirer sur lui comme sur du gibier. On a tué de la même façon beaucoup de républicains le 2 décembre. Monsieur Pierre Bonaparte a conservé pieusement les traditions de la famille. Édouard Lecroix.